السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما بجنيش كده الشيخ الفوزان حفظه الله dans son explication du nawaqid al-islam. Il dit que le cheikh رحمه الله من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به كفر. Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab il a dit que celui qui déteste et qui a de la répulsion pour ce qu'Allah il a révélé pour la religion ou pour une chose avec laquelle le prophète Mohammed sallam est venu, même s'il a mis une application, il est mécréant. Même s'il a mis une application, il est mécréant. M. Fazan il a dit au dalil qu'Allah ta'ala dalil qu'ibannahum karihum ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, c'est parce qu'ils ont eu de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a alors rendu vaines leurs actions. M. Cheikh il a dit أي أبطلها سجّر كليزا أن يلم فدل على أن بغض الشيء مما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام وأنه يحبط العمل وذلك أن أصول الإيمان وأركانه أو أركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر شره خيره وشره فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا. المراد من قوله تعالى كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ يَشْمَلُ الْقُرْآنَ وَيَشْمَلُ السُنَّةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. نعم. Le cheikh il a dit que c'est-à-dire qu'il les a annulés, il a annulé leurs actions. Ça c'est la preuve que le fait de détester une chose parmi les choses avec lesquelles le prophète Mohammed sallam est venu, ça c'est de l'apostasie par rapport à l'islam. Ça revient à sortir de l'islam. Et que ça annule les actions, ça annule les actions de la personne. Pourquoi ? Parce que c'est connu que parmi les piliers de la foi, le fait de croire en Allah, Azzawajal et ses anges, et les livres qu'il a révélés, et de croire au prophète, et croire au jour du jugement dernier, et croire aussi au destin, que ce soit bon ou mauvais. Donc celui qui diminue une chose parmi ces choses-là, eh bien, il ne sera pas croyant de façon complète, il n'aura pas la foi complète. Et le cheikh a dit que le verset, quand Allah a dit Azzawajal, وَكَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, s'ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, ça englobe le Coran, ça englobe aussi la Sunna. Tout ce qui est le Coran et la Sunna, si une personne déteste une chose du Coran ou de la Sunna, que le prophète l'a ramené, sallallahu alayhi wa sallam, et bien ça rentre dans ce verset-là. Il fallait dire أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ هذا هو الوحي الأول والمصدر الأول من مصادر الإسلام. Le cheikh a dit que ce qu'Allah a révélé, c'est en deux parties, c'est de deux types. Premier type, le Coran, qui est la révélation et qui est la première source de la religion. Ensuite, il a dit والقسم الثاني السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله عز وجل. والله جل وعلا يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي الوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر الإسلام. Le deuxième type c'est la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, parce que c'est une révélation aussi qui vient d'Allah. Comme il dit souvent, c'est une révélation dans les sens, après les termes ils sont du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Pourquoi ? Parce qu'Allah l'a dit à Zawjal par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation. Il a dit aussi وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Donc le cheikh a dit que la sunna, c'est la deuxième révélation, et c'est la deuxième source parmi les sources de la religion et de la législation. فمحبة الله عز وجل ومحبة ما أنزله أعظم أنواع العبادة ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدي بغض الله جل وعلا وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ردة وكفر بالله عز وجل. الشيخ a dit que le fait d'aimer Allah عز وجل et d'aimer ce qu'il a révélé, ça fait partie de la plus grande adoration. C'est la plus grande type d'adoration. Ensuite, après cela, il fait d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer sa sunna. Comme il est dit dans le hadith, « La yuminu ahadukum hatta akuna habbelemi walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in » que personne n'aura une foi complète, personne n'aura une foi complète jusqu'à ce qu'il aime le prophète plus que ses enfants et ses parents et l'ensemble des gens. Il a dit aussi « Talat man kunna fihi wajad bihin halawat al-iman et yakuna allaha » Donc, il y a trois choses que si la personne elle réunit en elle, elle aura la douceur, elle goûtera la douceur de la foi. Et la première chose, c'est qu'il aime Allah et son messager au-dessus de toute chose. Donc, il a dit que le fait d'aimer Allah et d'aimer ce qu'il a révélé, c'est le plus grand type d'adoration. Ensuite, après ça, il y a l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait d'aimer sa sunna aussi. Et il a dit que le fait d'aimer Allah Azzawajal et d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça implique le fait d'aimer ce qui vient d'Allah dans le Coran et ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et le fait de détester une chose qui vient d'Allah Azzawajal et qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça implique le fait de détester Allah Azzawajal et de détester le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une apostasie. C'est une chose qui fait sortir de l'islam et c'est de la mécréance. Par rapport à Allah Azza wa Jal. Il a dit le wajib ala al-muslim an yuhibba aw yuhibba ma jaa an illahi min al-Qur'an wa yuhibba ma jaa an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min as-sunnati tab'an li mahabbati Allah wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa mahabbati hadha ad-din fa in kariha shay'an min dhalika fa hadha dalil ala adami imanihi. Ce qui est wajib pour le musulman, c'est d'aimer ce qui vient d'Allah dans le Coran, Azza wa Jal, et ce qui vient aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, suite à l'amour d'Allah et l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit que suite aussi à l'amour de la religion, Donc, comment la personne elle doit aimer le prophète, elle doit aimer aussi Allah Azza wa Jal avant tout ça et aimer la religion, ça implique qu'elle doit aimer ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la sunna. Et que celui qui déteste une chose parmi le Coran, parmi ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça c'est une preuve qui n'a pas de foi. Le cheikh a dit que même s'il aimait une application, s'il déteste une chose et qu'il aimait une application, ça ne suffit pas. Il a dit فَإِنَّهُ لَا يَكُلُ مُؤْمِنًا il ne sera pas croyant, même s'il aimait une application, s'il déteste cette chose-là. الشيخ فازون إليه حفظه الله فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يبغضون الوحي المنزل ولا يريدونه كما قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Il a dit que les munafiqin, les hypocrites, comme ils détestent Allah عز وجل et son messager صلى الله عليه وسلم, ils détestent aussi la révélation qui a été révélée au prophète, le Coran et la Sunna, ils n'en veulent pas. Comme Allah l'a dit dans le verset, et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu y vois les hypocrites, s'écarter loin de toi. Il a dit, Fanima da yasuddun. Le cheikh a dit, pourquoi est-ce qu'ils s'écartent? Yannam yibrilun al-kitab wa sunna. Wa in kanu ya'maluna bihima fi zahir. Lakin yibrilun dhalika bi kulubihim. وعملهم في الظاهر لا يفيد شيئا لأنه تقية وجنة وإلا فهم في قرار أنفسهم يبغضون القرآن والسنة لهذا حكم الله عليهم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار مع أنهم يعملون في الظاهر بالكتاب والسنة لكن لما كانوا يبغضون ذلك في قلوبهم صاروا كفارا أشد الكفر وعذابهم أشد العذاب فهم في الدرك الأسفل من النار. Non, il a dit pourquoi est-ce qu'il s'écarte? Tout simplement parce qu'il déteste le Coran et la Sunna. Pourquoi est-ce qu'il s'écarte de l'œil de son messager? C'est parce qu'il déteste le Coran et la Sunna. Et même s'il les met en application de façon apparente, mais dans leur cœur, ils détestent cela. Et donc leurs actions apparentes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que c'est juste une taqiyya. C'est une chose pour les protéger. Ils font ça pour qu'ils soient protégés. Et pour que les musulmans ne combattent pas. Il dit wajunna. Et c'est aussi un bouclier. Donc ils font. Leurs actions qu'ils font, c'est juste pour se protéger, pour pas qu'ils soient combattus, pour pas qu'ils soient tués. Comme Allah l'a dit dans le verset, Ittakhadu aymanahum junnatan, fasaddu an sabilillah. Ils ont pris leur serment comme bouclier. Ils jurent, ils font des actions, pourquoi? Pour que ce soit un bouclier, qu'on ne les combatte pas, et qu'on ne les tue pas. Il l'a, bien sûr, a dit qu'autrement, au fond de eux-mêmes, ils détestent le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'Allah il a jugé qu'ils sont des mécréants et qu'ils sont dans le plus bas degré de l'enfer. Qu'ils sont dans le plus bas degré de l'enfer, malgré qu'ils font des actions de façon apparente et qu'ils mettent en application de façon apparente le Coran et la Sunna. Mais comme ils détestent ça dans leur cœur, ils sont devenus des mécréants, de plus grande mécréance, et leur châtiment est devenu plus grand des châtiments, le plus dur des châtiments aussi, et ils sont dans le plus bas degré de l'enfer, le plus bas degré de l'enfer. Comme elle a dit, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer. Il dit, وَأَمَّا الْكُفَّارَ الْأَصْلِيُونَ فَهُمْ مِنَ الْأَصْلِ يُبْغِدُونَ الرِّسَالَاتِ وَالْكُتُبِ. قال تعالى, إِذَا كِلَ لَمْ تَعَلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والأحكام الجاهلية. في الآية الأخرى, وإذا كلا لم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم, le cheikh a dit que les mécréants de base, eux, de base, ils détestent les messagers et leurs messages et les livres qui sont révélés. Comme elle a dit dans le verset, lorsqu'on leur dit, venez vers ce que l'on a révélé vers le prophète, ils disent, il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Allah dit, أَوَلَوْ كَانَ أَبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Est-ce que vous les suivrez même si vos ancêtres ne savent rien et que nous ne sommes pas sur une guidée et sur une voie droite? Cheikh dit, قَالُوا يَكْفِينَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مِنَ الْعَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ. C'est-à-dire que ils disent ce sur quoi on a trouvé nos grands-pères et nos parents comme habitude et comme jugement, comme règle dans la jahiliya, ça nous suffit. Dans notre verset, ils ont dit pareil. Est-ce que vous les suivrez même si vos grands-parents et vos ancêtres ne réfléchissaient pas et n'étaient pas guidés, n'étaient pas sur une voie droite? Donc les koufars, quand on leur dit de suivre le Coran et la Sunna, ils détestent ça de base, donc ils ne suivent pas, ils disent qu'on suit ce sur quoi on a trouvé nos ancêtres. Ainsi le Cheikh Fawzan a dit que ceux qui détestent ce qu'Allah a révélé, ils sont de deux types. Ils sont deux types, deux groupes de personnes. Al-Fariq al-Awwal, الكفار الأصليون وهذه مقالتهم. Le premier type, ce sont les kuffars de base, les mécréants de base. Ça, c'est leur parole, comme il a cité dans le verset. Et deuxième type, الفريق الثاني الذين يدعون الإسلام هم المنافقون وقد تقدمت مقالتهم. Et deuxième type, ce sont les munafiquins, les hypocrites qui prétendent l'islam, qui prétendent être des musulmans. Et le cheikh a dit que ce sont des hypocrites et leur parole aussi a été citée dans les versets qui sont précédés. أما المؤمنون فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعالى عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Le cheikh a dit que par rapport aux croyants, eux, ils aiment ceux qui viennent d'Allah et du messager صلى الله عليه وسلم, le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'Allah a dit à propos d'eux, Azzawajal, dans le verset, que la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Yaquluna sami'na wa ata'na li'annahum yuhibbuna ma ja'a 'an Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa la yajiduna fi anfusihim harajan min hukmi Allah wa hukmi rasulihi. Donc ils disent, on a entendu et on a obéi. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ceux qui viennent d'Allah et du messager, dans la Sunna et dans le Coran, et qu'ils n'ont pas de gêne par rapport au jugement d'Allah et au jugement du messager en eux. Comme elle a dit dans le verset, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah il a dit qu'ils ne seront pas croyants. Il a juré par ton Seigneur qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur litige. Ensuite, qu'il n'y ait pas de gêne en eux-mêmes suite à ton jugement et qui se soumettent complètement à ta sentence. Et il a harajan. Donc les croyants n'ont pas de gêne en eux-mêmes ni dans leur cœur par rapport au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au jugement d'Allah dans le Coran. فَلَا يَكْتَفُونَ بِالْمِقْيَادِ الظَّاهِرِ وَلْيَنْقَادُونَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Il a dit qu'il ne se limite pas à la soumission de façon apparente, mais plutôt se soumettre de façon apparente et cachée en eux-mêmes. وَيُحِبُّونَ حُكْمَ اللَّهِ وَحُكْمَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Et ils aiment le jugement d'Allah Azza wa Jalla et le jugement du prophète aussi, صلى الله عليه وسلم, de façon apparente et de façon cachée. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc ainsi, ils n'ont aucune gêne en eux-mêmes suite à ton jugement et se soumettent complètement à ta sentence. فَلَا يَعْتَرِضُونَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه الحق والعدل. Ainsi, ils ne sont pas gênés et ils ne s'opposent pas non plus au jugement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que c'est la réalité, c'est la vérité, et c'est ça qui est la droiture et ce qui est juste. C'est ça qui est la droiture et ce qui est juste. La justice. وَأَنَّ عَقِبَتَهُ حَمِيدًا فَهُمْ لَا يُقَدِّمُونَ شَيْئًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ sallallahu alayhi wa sallam وَلَا خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ وَرَغْبَاتِهِمْ فَهُمْ يَتْرُكُونَ آرَاءَهُمْ وَرَغْبَاتِهِمْ وَيَقْبَلُونَ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لأنهم يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْخَيْرِ آجِلًا وَعَاجِلًا. نعم. Donc même si ça contredit leur passion et ce qu'ils désirent, ils ne détestent pas cela et ils délaissent les avis des gens et les différents avis qu'ils ont et leur envie et ceux qui conforment à leur patient, et ils acceptent le jugement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que dans le jugement d'Allah et de son messager, c'est dans ça qu'il y a le khayr, le bien, de façon présente et dans le futur, dans le présent et dans le futur. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا بَلَغَهُمْ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِهِمَا بَدَلًا أَوْ بَدِيلًا أَبَدًا وَلَا يُؤْثِرُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ مَصْدَرٍ أَوْ أَيَّ حُكْمٍ. Le cheikh a dit que ce sont eux les vrais croyants. Quand le jugement d'Allah et de son messager, صلى الله عليه وسلم, il leur parvient et qu'ils sont au courant, ils ne cherchent rien à la place. Ils n'essaient pas non plus de le changer. Et ils ne font passer aucune chose devant le Coran et la Sunna. Ils ne favorisent rien face au Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit un texte ou que ce soit un jugement. Ils ne font passer aucun jugement, aucun texte avant le Coran et la Sunna. Les yihadi hiya sifat al-mu'minin. Ça, c'est la caractéristique des croyants, des vrais croyants qui ont la foi complète. ولذلك تجدهم يحرصون ويقبلون على أو يقبلون على تعليم الكتاب أو يقبلون على تعلم الكتاب والسنة ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة. Il dit que c'est pour ça que tu verras qu'ils font beaucoup d'efforts et qu'ils se tournent vers l'apprentissage du Coran et la Sunna et qu'ils patientent et supportent la fatigue et les difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le Coran et la Sunna. ويألفون الكتاب والسنة ويحبون ويشتاقون إلى الكتاب والسنة أشد مما يشتاقوا إلى الطعام أو مما يشتاقون إلى الطعام والشراب لما في قلوبهم من المحبة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. Ensuite, le cheikh il a dit que ils sont familiers au Coran et la Sunna et ils aiment et ils ressentent de l'émotion et de l'affection et de l'envie pour le Coran et la Sunna, plus qu'ils ont envie de la nourriture et de la boisson ou à boire. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'amour dans leur cœur pour le Coran et la Sunna. Donc l'amour qu'ils ont pour le Coran et la Sunna, c'est plus important que l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour la nourriture et pour toute autre boisson. Contrairement aux hypocrites. Cheikh l'a dit, بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة وتعلمهما أو تعلمهما أو يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط ينفرون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Contrairement aux hypocrites, eux, ils s'enfuient et يعني du Coran et de la Sunna et au fait de les apprendre tous les deux. Ou sinon, ils les lient mais avec leur langue, seulement avec leur langue et pas avec leur cœur. Et aussi, ils s'écartent de la Sunna, ils s'écartent du Coran, ils s'écartent de la Sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a dit, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Tu vois les hypocrites qui s'écartent loin de toi. Tu vois les hypocrites qui s'écartent loin de toi. C'est-à-dire de sa sunna. De toi et de ta sunna. Donc Allah Ta'ala, وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Lorsqu'on leur dit, venez pour que le messager vous demande pardon pour vous, pour que le messager vous demande pardon pour vous, ils détournent leur tête et tu les vois s'écarter, et ils font preuve d'orgueil, Donc, le Cheikh a dit que ça, c'est une preuve, un signe qui montre qu'ils détestent le Coran, le livre d'Allah, Azzawajal, et qu'ils détestent la sunna du messager, d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, voilà, farqa. كما ذكرنا بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما من عند الله إنما يفرق بين القرآن والسنة أهل الضلال الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن لأن القرآن لا يتطرق نقله احتمال أو شك بخلاف السنة فإنه يتطرق إلى أسانيدها الشك عندهم أما عند المسلمين فإنه لا يتطرق إليه فإنه لا يتطرق إليها شك لأنها من رواية الثقات الأثبات الحفاظ الذين نقلوا بأمانة فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله عز وجل. الشيخ a dit qu'il n'y a pas de différence entre le Coran et la Sunna, le fait que ce sont tous les deux une révélation, parce qu'ils viennent tous les deux d'Allah, عز وجل. Comme on a dit, le Coran, l'essence est les termes, ils viennent d'Allah Azza wa Jal, et la sunna, ce sont les sens qui viennent d'Allah, et les termes viennent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, en général, les deux, en tout cas, viennent d'Allah, comme l'a dit Cheikh, l'annahumma min indillah. Et que ceux qui font la différence entre le Coran et la sunna, ce sont les gens de l'égarement qui disent qu'on n'accepte que le Coran. Pourquoi? Parce que, soi-disant, le Coran, il a été révélé et transmis de façon dans laquelle il n'y a pas de doute possible. Et on ne peut pas avoir de doute par rapport à la transmission du Coran. Contrairement au Sunna, soi-disant que les chaînes de transmission des hadiths et de la Sunna, ils peuvent être douteuses et on peut douter à propos des chaînes de transmission. Je dis par contre, pour les musulmans normaux ou normaux, il n'y a pas de doute pour eux que la Sunna a été révélée et a été aussi transmise. Elle est transmise par des gens de confiance, les gens qui sont des gens de confiance, les savants du hadith, qui sont des gens de confiance, et des gens sûrs, et des huffaz, qui ont une très bonne mémorisation, une très bonne mémoire, qui ont transmis la sunna de façon correcte et de façon loyale. Donc, il a dit que les musulmans ne doutent pas à propos des hadiths du prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils viennent bien d'Allah Azza wa Jal, le sens qui vient bien d'Allah Azza wa Jal. Amma ahlu al-nifaqi wal-ladina fi qulubihim naqsu iman kal-khawariji wal-mu'tazilati wa sa'iri al-tawa'if fa'innam yashakuna fi sunna. Et par contre, les gens de l'hypocrisie, les hypocrites, et ceux qui ont un manque de foi dans leur cœur, comme les khawarij, les mu'tazila, qu'on a expliqué la dernière fois, les Khawarij, ceux qui se révoltent contre les gouverneurs, et Mu'tazila, c'est ceux qui ont blâmé certains parmi les sifat d'Allah, et non les attributs d'Allah, et tous les autres Tawaif, et toutes les autres sectes, eux, ils doutent de la Sunna, Ba'dum yashukku fi ahadith al-ahad, ba'dum yashukku fi sunnati kulliha, wa la yara laha makana, wa yakuluna yakfina al-Qur'an, wa ba'dum yashukku fi ba'di sunnati, wa yakuluna naqbalu illa al-mutawatir min as-sunnati, wa yarudduna akhbara al-ahad, wa yakuluna innaha tufidu al-dhan, أما أهل الحق فإنهم يقولون نصحني الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم واليقين ويحتجون به في العقائد والعبادات والمعاملات لأنهم لا يشكون فيه أما أهل الضلال فإنهم يقولون إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن بزعمهم والعقائد تبنى على اليقين. Non, il a dit que par contre, les gens, comme il a dit, les gens des sectes là, certains ils doutent sur la sunna en entière. D'autres ils doutent sur les ahadith ahad. Les ahadith ahad, les savants ils disent que les ahadith sont de deux types, ahad et mutawatir. Mutawatir c'est ce qui a été rapporté par un nombre très important de personnes qui fait qu'on ne peut pas en douter. Il a dit, c'est que, comme ils disent, « Ma'ana qalahu adad, yastahilu tawatu'um wa tawafuquhum ala al-kadhib » C'est une chose qui a été rapportée par un grand nombre de personnes, 60 personnes, qui fait que c'est impossible qu'on dise qu'ils sont tous tombés d'accord sur le mensonge ou qu'ils ont tous menti et leur mensonge est arrivé au même niveau. Comme si, par exemple, il y avait un événement qui se passe, et plus de 70 personnes rapportent le même événement sans qu'ils ne se connaissent et sans qu'ils soient au même endroit, on ne peut pas dire que c'est faux. C'est sûr qu'on va accepter cette chose-là, on ne va même pas regarder est-ce que c'est authentique ou pas. C'est pour ça que les savants disent que les ahadiths mutawatir, on ne demande pas est-ce que c'est authentique ou pas. Tous les ahadiths qui sont mutawatir sont authentiques. Comme par exemple, Man bana illahi masjidan, bana lahu baytan fil janna. Celui qui construit une maison pour Allah, une mosquée, Allah construira une maison pour lui dans le paradis. Ça, c'est un ahadith qui est mutawatir. Pareil pour le hadith Man kadaba alayhi muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Certains savants disent que ce hadith-là a été rapporté par plus de 60 personnes parmi les compagnons. Celui qui ment sur moi, qui prépare sa place en enfer, il a été rapporté par plus de 60 personnes parmi les compagnons. Donc, même pas douter, est-ce que c'est un hadith authentique ou pas, il n'y a pas de doute. Parce que ces 60 personnes-là, on ne peut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur le mensonge, ou ils ont tous menti et leur mensonge est arrivé au même résultat. Donc, ça, c'est un mutawatir. Et ceux qui sont en dessous de ça, on appelle ça ahad. Ahad, ça n'a pas atteint ce niveau-là. Ça peut être aziz, ça peut être. Ghalib, ça peut être mashhur, mais ça n'a pas atteint ce niveau-là. Donc certains, parmi les gens de la bid'a, ils disent que les ahadiths qui sont ahad, qui n'ont pas atteint le niveau du mutawatir, et bien ceux-là, on ne les accepte pas. Ils doutent de cela. On n'accepte que le mutawatir, comme ils disent. Et ils rejettent les ahadiths qui sont les ahad. Ils disent que les ahadiths ahad, là, ça permet d'avoir un dhan, yani, on ne peut pas être sûr de ce qu'il y a dans ce hadith-là. On peut, il y a une sous-estime, on peut penser, oui, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Là, il fait des liakines, comme ils disent. Par contre, le cheikh, il a dit que d'autres aussi, ils rejettent complètement la sunna. D'autres personnes rejettent complètement la sunna, comme les Qur'aniyoun. Ils disent qu'on prend que le Qur'an, ça nous suffit. Le cheikh a dit que les gens de la vérité, les gens de la sunna, ils disent que tout ce qui est authentique venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit mutawatir ou ahad, ils les acceptent. Ils acceptent les hadiths. Et ça, il y en a beaucoup. Le premier exemple, c'est le hadith, premier hadith dans Sahih Bukhari, Innama al-a'mal bi-niyyat. Innama al-a'mal bi-niyyat. Ce hadith-là, tout le monde connaît, dans Sahih Bukhari, c'est le premier hadith dans Sahih Bukhari. Après tout premier hadith, là. Et ce hadith-là, c'est un hadith gharib. Il a été rapporté que par une seule personne parmi les compagnons, qui est Omar ibn Khattab. Après, celui qui est Omar ibn Khattab, c'est pareil, une seule personne. Donc, dans plusieurs tabakat, le compagnon qui l'a rapporté, il est unique. Le tabi'in qui l'a rapporté aussi, il est unique. Et celui qui a après lui, il est unique. Jusqu'à Yahya ibn Sa'id. C'est à partir de Yahya ibn Sa'id que le hadith a été rapporté par beaucoup de personnes. Mais avant ça, c'est une seule personne. C'est un seul compagnon. Omar ibn Khattab, c'est le seul qui a rapporté ce hadith-là. Malgré que ce hadith-là, il l'a dit pendant une khutbah. Beaucoup de gens l'ont entendu, mais ceux qui l'ont rapporté, parmi les compagnons, il n'y a personne sauf lui. Et malgré ça, les savants sont tous d'accord que ce hadith-là, il est authentique, il n'y a pas de doute sur ça. Et même ses premiers hadiths dans Sahih Bukhari, et même les savants l'utilisent dans beaucoup de sujets dans la science, comme le dit Shafi'i, qui rentre dans plus de 70 chapitres dans le fiqh. Et c'est un hadith gharib, yani c'est le plus bas degré des hadiths qui a été rapporté par une seule personne. Alors que ce qui a été rapporté par 60 personnes ici, pareil. Malgré qu'ils ne sont pas au même niveau, mais ils sont tous les deux authentiques. Celui qui a été rapporté par son compagnon et celui qui a été rapporté par un seul compagnon sont tous authentiques et les savants, ils mettent tous en application. Les gens de la sunna. Ce qu'il a dit là, le cheikh, c'est que ceux qui sont authentiques venant du prophète Mohammed, qu'ils soient mutawatir ou pas, ahad, que ça atteigne le niveau du mutawatir ou pas, Eh bien, ça veut dire que yufid l'ilm ou yakin. Ça donne la science et la certitude. Ce qui est dans le hadith là, on doit le prendre et en être sûr. Et prendre ça comme preuve dans la croyance, dans les adorations et dans les transactions. Et ils ne doutent pas du tout, les savants de la sunna, les gens de la sunna, ils ne doutent pas du tout des hadiths qui soient ahad ou mutawatir. Mais ce sont les gens de l'égarement, les gens de la bid'a qui disent que les hadiths ahad, soi-disant que ce n'est pas tel niveau de mutawatir là, qu'on n'y prend pas comme preuve dans l'aqidah parce que, soi-disant, ça donne que le dhan, ça permet d'avoir une pensée, ça ne donne pas la certitude à 100%, et qu'on ne peut pas baser les aqaïd, la croyance, et les différentes croyances sur des pensées ou des superstitions, des choses qu'ils n'ont pas sûres à 100%. C'est pour ça qu'ils ont rajouté beaucoup de hadiths, ils ont rajouté aussi beaucoup de sifat, parce que, soi-disant, soit les hadiths n'ont pas atteint le niveau du mutawatir, soit parce qu'ils ne sont pas en conformité avec leur compréhension à eux. Ensuite, le cheikh a dit « ومن العجيب أنهم يبنون أقايلهم على علم الكلام وعلم المنطق ويقولون إنهما يفيدان اليقين وكلام الله لا يفيد اليقين عندهم لا يفيد اليقين عندهم والسنة لا تفيد اليقين عندهم هذا من الضلال والانتكاس. » Le cheikh a dit que ce qui est étonnant, c'est qu'ils disent que le Coran, ou plutôt les ahadiths qui sont ahad, ça ne donne pas le yakin, mais eux, ils basent leur croyance sur la science de la rhétorique et la philosophie. La science de la rhétorique et de la philosophie. Et ils disent que ces deux choses-là, la science de la rhétorique et de la philosophie, ça donne le yakin, justement. Ça donne une chose sûre et certaine. Ça donne une chose qui est sûre et certaine, une croyance ferme. Et que le Coran et la Sunna, ça ne donne pas l'yakin. La yufid l'yakin pour eux. La Sunna, ça ne donne pas l'yakin. Ce qui est dans le Coran et la Sunna, on ne peut pas en être sûr à 100%. Alors que pour eux, la philosophie et la rhétorique, ça, ce qui est dans les deux choses-là, qui sont la philosophie et la rhétorique, on peut en être sûr à 100%. Ça, c'est une dalal. Ça, c'est une des preuves de l'égarement et de la rechute et de la perdition de la personne. Non. Ensuite, il a dit أما أهل السنة والحق فيقولون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين والعلم ويحتج به في العقائد والعبادات والمعاملات لا فرق في ذلك هذه طريقة أهل السنة أو أهل السنة والجماعة. Il a dit que les gens de la Sunna et ceux qui sont sur la vérité, eux disent que tout ce qui est rapporté de façon authentique du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, du moment que c'est authentique, que c'est pas daif, et bien ça donne la certitude de l'yakin, et la science, et on peut le prendre aussi comme preuve pour les croyances, les adorations et les transactions. Il n'y a pas de différence entre le ahad et le mutawatir, comme on a dit. Il n'y a pas de différence entre le premier hadith dans le Sahih Bukhari, Innama al-amal bin-niyat, qui est un hadith qui est gharib, qui est rapporté par un seul compagnon, qui est Omar al-Khattab, et le hadith qui a été rapporté par 60 compagnons. Ils sont tous les deux dans le Sahih Bukhari. Man kataba alayhi muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu min an-nar. Il était rapporté par 60 compagnons. Pour beaucoup, beaucoup de compagnons. Il y a beaucoup d'ahadiths comme ça. Certains par 30 compagnons, d'autres par 50, 60. Et d'autres sont rapportés par un seul compagnon. Mais malgré ça, ils ne font pas de différence. Les savants du hadith et le sunnah ne font pas de différence entre eux, les deux. Ils utilisent tous les deux. Ils mettent les deux en application. Le ahad et le mutawatir. Wal-hasil. أن الذي يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على نفاقه وعلى عدم إيمانه من كان يدعي الإيمان من كان يعمل بهذه الأحاديث ظاهرا ما دام أنه يبغضها بقلبه فإن هذا ناقد من نواقض الإسلام. الشيخ يقول en somme, celui qui a dans son cœur un dégoût pour une chose avec laquelle le prophète est venu صلى الله عليه وسلم, ça c'est une preuve de son hypocrisie, et une preuve qu'il n'a pas de foi. Ça peut être une foi incomplète, ça peut être une foi qui n'est pas là du tout. Et même s'il prétend avoir la foi, et qu'il met en application son hadith de façon apparente, mais du moment qu'il déteste ça avec son cœur, et bien ça c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Il dit « Fi hadhihi al-ayati ad-dalil ala dhalika » qala subhanahu والذين كفروا فتعس لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Donc il a dit que quant à ceux qui ont mécru ils auront un malheur pour eux et ils rendront leurs œuvres vaines. Ils rendront leurs œuvres vaines. Ils disent ceci, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a alors rendu vaines leurs actions. Puis, après la surah, ceci c'est parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et ils ont détesté et ont eu la répulsion pour ceux qui causent son agrément. Ainsi il a annulé et rendu vaines leurs actions. Le cher a dit ça c'est la sabab, c'est la cause. La cause c'est parce qu'ils détestent ceux qui causent l'agrément d'Allah et ils détestent la sunna et le Coran. فهذا ناقد من نواقد الإسلام أن يبغض الشخص أو يبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Le fait que la personne déteste une chose parmi les choses que le prophète a ramené parmi la sunna, ça c'est un annuatif parmi les annuatifs de l'islam. وقالوا شيئا يعني أنه ليس لازما أن يبغض كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو أبغض شيئا منه كبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة فإنه يحبط عمله وينتقد إسلامه. Donc Cheikh a dit quand Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'il a fait miséricorde, il a dit Shay'an, c'est-à-dire une chose, une seule chose. C'est pas obligé qu'il déteste toute la sunna pour que ça soit un annuatif. Même s'il déteste ne serait-ce qu'une seule chose ou certains hadiths qui sont authentiques, et bien ça annule ses actions, ça rend ses actions vaines et ça annule son islam aussi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul la yumin ahadukum hatta yakun hawahu taba'an ma ji'tu bihi. Le hadith صححه الإمام النووي في الأربعين وتكلم عليه بعض العلماء كالحافظ ابن رجب ابن رجب رحمه الله ولكن تشهد له الآية ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فلم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك أحبط الله أعمالهم فهذه الآية تشهد للحديث. نعم. Que le Cheikh a dit que dans le Hadith, le Prophète صلى الله عليه وسلم, la yumin ahadukum hatta yakun hawa ou taba'an ma ji'tu bihi, que l'un de vous n'aura pas une foi complète jusqu'à ce que ses passions et ceux qu'il aime suivent ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire la sunna. Le Hadith, là, il semble diverger. Bon, Al-Nawawi dans Arba'in a dit qu'il était authentique, mais Ibn Rajab a dit qu'il était daif. Et certains disent qu'il est daif, c'est ça qui est correct, il n'est pas authentique, mais son sens il est correct. Le sens il est correct. Pourquoi ? Parce que c'est en conformité avec le verset que le Cheikh a cité. Ceci, c'est parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et ils ont détesté et eu du mépris pour ceux qui causent son agrément. Il a alors annulé et rendu vaines leurs actions. Donc le hadith, même s'il est daif, son sens il est correct et il est en conformité avec le verset. Donc, Cheikh a dit que c'est parce que leur passion et ce qu'ils aiment, ça ne suit pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la personne, elle doit se conformer à la sunna. Même si ça contredit ses passions doivent suivre ce qu'il y a dans la sunna et pas l'inverse. Il ne doit pas faire suivre la sunna, ses passions à lui. Non, mais il fallait dire qu'il y a un habit d'Allah à Malahum. Donc, c'est pour ça que là, il a annulé, il a rendu vain leurs actions. Donc, le verset, il est en conformité avec le hadith. Ensuite, le Cheikh a dit, وفي وقتنا الحاضر كثر من يكره السنن كثر من يكره السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلفت أهواءهم وما يشتهونهم من ذلك مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم إذا قلت لهم هذا الربا والله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الربا تجد عندهم تكرها وتبرما من ذلك. Donc le Cheikh a dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui détestent les sunan qui sont authentifiés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elles contredisent leur passion et ceux qu'ils aiment. Comme certaines questions dans les transactions, comme le riba, qui est répandu aujourd'hui chez les hommes, lorsqu'on leur dit que ça c'est du riba et que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ils ont rendu interdit le riba, on verra qu'ils ont du dégoût, de la répulsion pour ça. Et qu'ils sont irrités aussi par rapport à ça, qu'ils sont irrités par rapport à ça. Le Cheikh l'a dit, وَإِنْ كَانُوا لَا يُسَرِّحُونَ أَوْ بَعْدُهُمْ يُسَرِّحُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَتَبَرَّمُونَ وَيَقُولُونَ الْعَالَمْ كُلُّهُ عَلَى هَذَا هذا اقتصاد عالمي، أنتم تخالفون العالم، فهذه ردة عن دين الإسلام إذا كره النصوص التي تحرم الربا والقمار والميسر والمعاملات المخالفة للأدلة. Il a dit que même s'ils ne disent pas de façon explicite, certains parmi eux le disent de façon explicite, d'autres ne le disent pas de façon explicite, ils le cachent, mais ils ont du dégoût par rapport à ça, et ils sont irrités par rapport à ça, et ils disent que le monde entier fait ça. Le monde entier fait ça, fait des transactions avec du riba, et ça c'est une économie mondiale, et vous contredisez l'économie mondiale. M. a dit ça c'est une ridda, ça c'est de l'apostasie, par rapport à la religion, c'est fait de sortir de la religion. Si la personne la déteste, elle a du mépris et du dégoût pour les textes dans le Coran et la Sunna qui interdisent le riba et les jeux de hasard et les transactions qui contredisent le Coran et la Sunna. Il a dit « Faïda wajada fi nafsi shay'an min karahati tahrimiha fa'inna allaha yuhbitu amalahu hatta walau kana ya'mal biha zahiran » فالخطر شديد وعلى المسلم أن يتفطر نفسه ويحفظ لسانه وأن يدور مع الحق أينما دار ولا يدور مع هواه وشهوته. Donc le cheikh a dit que si jamais la personne elle voit qu'elle a du dégoût par rapport au fait que le riba c'est interdit, et bien là il peut annuler et rendre vaine ses actions même s'il met en application des textes. Une personne elle a du mépris, de répulsion, du dégoût pour le fait que le riba s'interdit, et ça le gêne et ça l'irrite, et ça peut être très dangereux, ça peut être une cause qu'Allah il annule ses actions. Donc c'est très très dangereux, et les musulmans doivent faire attention, et doivent vérifier son âme et préserver sa langue, et il doit suivre la vérité peu importe où elle est, et il ne doit pas suivre sa passion, et ce qu'il aime. Ensuite il dit وَفِي قَدِيَةِ الْمَرْأَةِ لما كان الإسلام قد وضع ضوابط للمرأة تخالف ما عليه المرأة في أمم الكفار والإباحية صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة من ذلك مناداتهم بمساواة المرأة بالرجل في الميراث والأعمال وفيما هو من خصائص الرجال ولا يريدون يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدا. Il m'a dit par rapport à la femme, comme l'islam il a mis des dawabit, des règles pour la femme qui contredisent ce sur quoi la femme elle est dans les communautés des mécréants et les communautés libertines. Beaucoup parmi les gens qui prétendent être des musulmans, ils détestent les règles et les législations en conformité avec la femme. Le chari parmi ça, le fait qu'ils veulent l'égalité entre l'homme et la femme. Ils veulent l'égalité entre l'homme et la femme dans l'héritage. Que la femme et l'homme, ils prennent le même héritage. Pareil dans les actions aussi, dans le travail. Et parmi les choses qui sont propres aux hommes. Ils ne veulent pas qu'il y ait de différence entre la femme et l'homme. Ils ne veulent pas du tout qu'il y ait de différence entre les deux, quoi. Bien al-gharba sawwaw al-nisa'a bir-rijal ou ma'a al-rijal. وقدموا النساء على الرجال فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب الكفرة بركب الغرب الكفرة. Et pourquoi? Parce que l'Occident, les mécréants, ils ont rendu la femme et l'homme égaux dans beaucoup de choses, dans le travail, dans l'héritage, ainsi de suite. Ils ont même fait passer la femme avant l'homme. Par exemple, quand ils disent, voilà, mesdames et messieurs, comme il a dit Cheikh Al-Othaymeen, ça, c'est une chose qui est blâmable. Ils font passer l'homme, et l'homme avant la femme et privilégient la femme. Ils font passer la femme avant l'homme et privilégient la femme à l'homme. Ils ont mis la femme devant l'homme. Donc, les musulmans qui sont des ignorants, ils veulent faire pareil que l'Occident qui est mécréant. Ils veulent faire pareil que eux. Voilà, yuriduna yatamayyaz an-nisaa'u 'ani ar-rijal fima yakhtassu an-nisaa'. Ils ne veulent pas non plus que la femme se différencie de l'homme par rapport à ce qui est propre à la femme. Voilà, yuriduna yakuna mirathuha nisfu mirath ar-rajul. Ils ne veulent pas que l'héritage de la femme ce soit la moitié de l'héritage de l'homme. Voilà, yuriduna takuna diyatuha nisfa diyat ar-rajul. Ils ne veulent pas non plus que la rançon qu'on donne pour la femme, ce soit la moitié de la rançon qu'on donne pour l'homme. Si par exemple l'homme il est tué ou que la femme est tuée, il y a une rançon qui est donnée. Celle de la femme, c'est la moitié de celle de l'homme. Pour l'homme, c'est connu que c'est 100 parmi les chameaux. Et la femme, c'est la moitié. Et les gens qui sont ignorants, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que ce soit pareil pour l'homme et la femme. L'homme et la femme, ils ont le même héritage, même rançon, même travail, ainsi de suite. Ils veulent pas non plus que l'attestation d'une femme, que ce soit la moitié, ou l'équivalent de la moitié de l'attestation d'un homme. Comme Allah dit dans le Coran que quand un homme il atteste, eh bien la femme, son attestation sera à la moitié de l'attestation de l'homme. Il y a un temps d'illa ihlahuma, fa illa mekuna rajulaini, fa rajulum wa mra'atani mimman tarundawna min ash-shuhada. Un temps d'illa ihlahuma, fa tudakira ihlahuma ukhra. Soit vous prenez deux témoins parmi les hommes, ou sinon, s'il n'y a pas deux hommes, prenez un homme et deux femmes. C'est-à-dire que les témoignages d'une femme, c'est équivalent à moitié du témoignage de l'homme. Et les gens qui sont des ignorants parmi les musulmans ne veulent pas ça. Ils veulent que ce soit pareil pour l'homme et la femme, contrairement à ce qui a été révélé dans le Coran. Et le cheikh a dit qu'Allah Azzawajal a créé la femme et l'homme, et c'est lui qui est le plus savant de ce qui convient à chacun des deux, à l'homme et à la femme. Ensuite, le cheikh a dit, من ذلك الحملة الشنيعة على الحجاب والتنديد به وبأدلة الشرع التي جاءت بالحجاب إن استطاعوا تضعيفها لم يألوا جهدا ولما لم يستطيعوا ذلك راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ يقول que parmi les exemples de ça, c'est le combat abominable qu'ils font contre le voile de la femme et l'incrimination qu'ils font contre le voile de la femme et les preuves dans le Coran et la Sunna qu'ils ont obligé le voile de la femme. Si jamais ils peuvent les rendre faibles, ils disent que c'est faible. Si c'est un haïs, ils disent qu'il est faible. Ils font tout leur possible. Et si jamais ils ne peuvent pas, eh bien, ils les interprètent d'une autre façon et ils les expliquent d'une autre façon, d'une façon qui n'est pas voulue par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et alaysa hadha min karahati ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, hadhi min al-umur allati hadathat al-an fil mujtama'i wa zaharat fi maqalatihim wa mujadalatihim wa muhawaratihim la yuriduna yufarriqu baynama farraqa Allah wa Allah ta'ala farraqa bayna al-mu'minin wal-kuffar wa farraqa bayna al-mu'minin wal-yahudi wal-nasara wa hum yaquluna la farqa bayna al-mu'minin wal-yahudi wal-nasara kullu mu'minun. Le cheikh a dit, n'est-ce pas que ça fait partie du fait de tester ce qu'Allah a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que ces choses-là, elles ont apparu dernièrement dans la communauté, elles sont apparentes dans leurs discours, dans leurs débats, dans leurs discussions. Ils ne veulent pas différencier entre ceux entre quoi Allah a différencié. Ils ne veulent pas qu'on fasse différence entre l'homme et la femme, ni entre le musulman et les mécréants. Le cheikh a dit qu'Allah a fait différence entre les croyants et les mécréants, entre les croyants et les juifs et les chrétiens, et eux, ils disent non. Il n'y a pas de différence entre les croyants, les juifs et les chrétiens. Kullu mu'minun, sont tous croyants, sont tous des musulmans. Al-yahud wa al-nasara ahlul kitab lahum ahkamun khassatun lakin la yusawwuna bil mu'minin wa la yusawwa dina aw dinu al-nasara wal yahudi bi dini al-islam. Dinu al-islam huwa al-haqq wahda wa la yusawwa bihi dinu al-yahudi wa al-nasara wa in kanu لهم أحكام خاصة يمتازون به عن الكفرات الآخرين لكن ليس معنى هذا أن نسوي دينهم بدين الإسلام فمن سوى دين اليهود والنصارى بدين الإسلام فهو كافر. الشيخ a dit que les Yahoud, les Nassara, les Juifs et les Chrétiens, les gens du livre, ils ont des règles et des législations qui sont propres à eux, mais on ne peut pas les rendre équivalents aux croyants. On ne peut pas rendre la religion des croyants et des musulmans équivalents à la religion des juifs et des chrétiens. La religion de l'islam, c'est la seule religion de vérité, c'est la seule religion de vérité. On ne peut pas la rendre équivalente à la religion des chrétiens et des juifs, au christianisme et au judaïsme. Même s'ils ont des règles qui sont propres à eux, qui sont différentes des autres mécréants, mais ça ne signifie pas qu'on les rend équivalents aux musulmans et qu'on rend équivalent leur religion à la religion des musulmans. Donc il a dit que celui qui rend équivalent la religion des juifs et des chrétiens à la religion des saints, mais ça c'est un kafir. Ça c'est un kafir. وهم لا يريدون أن تذكر الآيات التي فيها الولاء والبراء التي أنزل الله في القرآن ولا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى وتذم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم والآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى لا يريدون أن يسمعوها أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر شديد جدا والله تعالى قال وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Le cheikh a dit que eux ils ne veulent pas que tu parles les versets dans lesquels il y a l'alliance et le désaveu, qui parle de l'alliance et du désaveu qu'Allah a fait révéler dans le Coran. Ils ne veulent pas non plus que tu cites des versets qui parlent des juifs et des chrétiens, qui les blâment et qui les maudissent et qui clarifient leur méthodologie et leur égarement. Il ne veut pas non plus que tu cites les versets qui ordonnent de détester les juifs et les chrétiens. Il ne veut pas les entendre. Et il a dit que ça, c'est sûr, c'est même que ça fait partie du fait de détester ce qu'Allah a révélé à son messager. N'est-ce pas que ça fait partie de détester, du fait de détester ce qu'Allah a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça, c'est quelque chose de très très grave. Comme Allah l'a dit dans le verset, ذلك أنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم. Ça c'est parce que ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et ils ont détesté ceux qui causent son agrément et alors annulé leurs actions, rendu vaines leurs actions. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ولا يداهن الكفرة واليهود والنصارى ولا يداهنهم في دين الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون وقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Le cheikh a dit que ce qui est obligatoire pour les musulmans, c'est de craindre Allah et de ne pas faire de compromis dans la religion pour les juifs et les chrétiens. De ne pas faire de compromis par rapport à sa religion, c'est-à-dire délaisser des choses de sa religion pour satisfaire les croyants, les mécréants, et faire des compromis, ça c'est pas permis. Là il y a un verset, ils aimeraient bien que tu transgisses afin que ils transgissent avec toi. C'est-à-dire que ils aimeraient bien que tu fasses des compromis et que tu transgisses avec eux pour qu'ils fassent pareil avec toi. Il a dit aussi, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce que c'est à propos de cette religion-là que vous faites des compromis? Il a dit, فَلَا تَجُوزُ الْمُدَهَنَةُ فِي دِينِ اللَّهِ أَمَّا أَنَّنَا نَتَعَامَلْ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْكُفَّارِ بِمُوجِبِ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فَهَذَا حَقٌّ. Par contre, le fait de faire des actions avec eux, des transactions et de agir avec eux, faire des pactes ou des ententes, ça c'est permis. Mais il y a le mudahana, faire des compromis par rapport à la religion, ça c'est pas permis. Faire des compromis par rapport à la religion, ça ce n'est pas permis. Ce qui est permis, c'est de faire des transactions avec eux de façon qui est légiférée, une façon qui est légiférée et qui a été révélée dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, le cheikh il a dit Amma anana nata'amal ma'al yahoud wa nasara wal kuffar بموجب ما جاء في الكتاب والسنة فهذا حق أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل. Et par contre, le fait qu'on les rende égaux aux musulmans, ça c'est quelque chose de faux. C'est pas correct. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Il a dit que les gens du feu et les gens du paradis ne sont pas égaux. Les gens du paradis, ceux qui sont au paradis, sont eux les gagnants. Il a dit aussi, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes actions dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Il فلا يجوز هذا أبدا. فالله جل وعلا أنزل القرآن بالفرق بين المؤمن والكافر سواء كان وثنيا أو دهريا أو نصرانيا أو يهوديا. Le cheikh a dit que c'est pas permis du tout de faire cela de rendre les mécréants et les croyants égaux. Pourquoi? Parce qu'Allah a révélé le Coran Azzawajal et il a ordonné dans le Coran de faire la différence entre le croyant et les mécréants. Peu importe qu'il soit un idolâtre ou quelqu'un qui adore les idoles ou un chrétien ou un juif ou autre. فيجب أن ننزل الناس منازلهم ولا تأخذنا في الله لومة لائم ولا شك أن محبة القرآن ومحبة السنة هي الإيمان هي الإيمان. Donc ce qui est obligatoire, c'est de mettre chaque personne à sa place, c'est de mettre chaque personne à sa place, comme c'est dans le hadith أنزل الناس منازلهم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم أن تنزل الناس منازلهم, de mettre chaque personne à sa place et qu'on ne soit pas pris par les blâmes de ceux qui blâment les gens qui sont sur la religion. Et il a dit qu'il n'y a pas de doute que le fait d'aimer le Coran et d'aimer le Sunna, c'est ça la foi, c'est ça la vraie foi, l'iman. Il dit « Wa kana rajulun fi ahli nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ashabihi wa kana yakra fi kulli raka'atin surat al-ikhlas. Fadakaru dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fasa'alahu an dhalika faqala أنا أحبها لأنها صفة الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حبك لها أدخلك الجنة وفي رواية أخبروه أن الله يحبه فالذي يحب القرآن فيه إيمان هذا يدخله الجنة والذي يكره القرآن والسنة لأنه يخالف شيئا من هواه فإنه يحبط أو يحبط عمله وإن كان لا يتكلم فكيف إذا تكلم وأنكر فالأمر أشد. نعم. Le cheikh a dit qu'à l'époque du prophète Mohammed il y avait une personne qui priait pour ses compagnons en tant qu'imam et dans chaque raka'a il récitait surat Ikhlas, surat Ikhlas. Et après les compagnons ont dit ça au prophète et le prophète lui a demandé pourquoi est-ce que tu fais ça, et la personne elle a dit parce que je l'aime, et la raison pour laquelle je l'aime c'est que dans cette surata, il y a les attributs de Ar-Rahman, il y a les attributs d'Allah Ar-Rahman. Après, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna hubbaka laha adkhalaka al-janna, que ton amour pour cette surata-là t'a fait rentrer au paradis. Dans une autre riwaya, il a dit, informez-le qu'Allah Azza wa Jal l'a aimé pour cela. Donc, le cheikh a dit que celui qui aime le Coran, il y a de la foi en lui, et ça s'appelle faire rentrer au paradis. Et celui qui déteste le Coran et la Sunna, parce que ça contredit ses passions et ses envies, et ça, ça peut annuler ses actions et rendre vain ses actions. Même s'il ne parle pas, même s'il ne fait rien. Donc, si jamais il parle et qu'il blâme, c'est encore pire. Et vous avez dit que l'adi yakrahu al-kitab wa sunna, annahuma yukhalifani madhhabahu ou madhhaba man yaqtadi bihi, فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأنه يخالف مذهبه وهو يحب مذهبه أكثر من الكتاب والسنة فإذا وقعت في قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه وهذا يحبط عمله لأن المؤمن لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئا ولا يقدم عليها شهوة أو مذهبا أو متبوعا بل يقدم الكتاب والسنة على كل شيء ولو خالف شهوته وهواه ومذهبه ومذهب من يقلده. نعم. Il a dit que par contre celui qui déteste le Coran et la Sunna parce que ils sont tous les deux en contradiction avec son madhab ou le madhab de celui qui suit, et qu'il déteste qu'on lui cite les preuves parmi le Coran et la Sunna parce que ça contredit son madhab, sa méthodologie ou la méthodologie de celui qui suit, et que lui il préfère son madhab au Coran et la Sunna, il aime plus son madhab que le Coran et la Sunna. Ça c'est très grave. Le cheikh a dit que si jamais la personne elle a de l'aversion dans son cœur et du dégoût pour le Coran et la Sunna et pour les délits, ça c'est une preuve qu'elle n'a pas de foi. C'est une preuve qu'elle n'a pas de foi. Et ça peut annuler ses actions. Et les rendre vaines. Il a dit que le croyant, il ne fait rien passer devant le Coran et la Sunna. Que ce soit sa passion, son madhab, une personne qui suit. Au contraire, il fait passer le Coran et la Sunna devant toute chose. Même si ça contredit sa passion ou ceux qu'il aime. Ou ça contredit son madhab ou le madhab de celui qui suit. Non, il a dit, fal muslim. Il a dit que le musulman, lambda qui est normal, il ne doit donner rien d'équivalent au Coran et la Sunna. Il ne donne rien d'équivalent au Coran et la Sunna. Il ne met rien au même niveau que le Coran et la Sunna. Qala l'imam Shafi'i, rahimahullah, أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليضعها لقول أحد. الشافعي لجي الشافعي كلا بسم الله الرحمن الرحيم. Il a dit que c'est un consensus des musulmans, que les musulmans sont tous d'accord pour dire que celui pour qui la sunna a été clarifiée, elle a parlé de façon claire, ce n'est pas permis pour lui de la délaisser pour la parole d'aucune personne. Ce n'est pas permis pour lui de la délaisser pour la parole d'une personne, peu importe qui qu'elle soit. C'est ça qu'il a dit dans le Ha'iyya. وَدَعَنْكَ أَرَاءَ الرِّجَالِ وَقَوْلَهُمْ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَزْكَى وَأَشْرَحُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَزْكَى وَأَشْرَحُ. Il a dit, délaisse les paroles des gens et leurs pensées et leurs avis. Pourquoi? Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أَزْكَى وَأَشْرَحُ, elle est plus pure, elle est meilleure. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للصحابة رضي الله عنهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس il a dit, عبد الله بن عباس qu'elle a dit lui son père, il a dit à certains compagnons qu'elle a dit tous, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, peu s'en faut que des pierres descendent du ciel sur vous en guise de châtiment. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'une fois, il parlait d'une masala par rapport au Hajj, dans lequel le prophète, il a dit que c'est mieux de faire tamattu'. De faire tamattu', c'est-à-dire faire d'abord l'umrah, ensuite sortir de l'ihram, après faire le Hajj à part, les deux séparément. Et Abu Bakr al-Omar, il voyait que c'est mieux de faire ifrad, de faire que le Hajj seul. Donc certaines personnes, quand Ibn Abbas, il leur a dit que le prophète, il a dit que c'est mieux de faire le tamattu', ils ont dit oui, mais Abu Bakr al-Omar, il a dit que c'est mieux de faire l'ifrad, de faire le Hajj seul. Ibn Abbas, il leur a répondu ça, il a dit « Yushiku an danzil alaykum hijaratu min as-sama » Peu s'en faut que des pierres descendent du ciel pour vous châtier. « Akul lakum qala rasulullah wa takulun qala Abu Bakr wa Umar » Je vous dis, le prophète, il a dit, vous me dites, Abu Bakr wa Umar, ils ont dit. C'est-à-dire que c'est pas possible ça. Si le prophète, il dit, on ne peut pas dire qu'un tel, il a dit, peu importe qui qu'il soit. Non. Ensuite, le cheikh, il a dit, le cheikh Fawzan, habidallah, « Fida kana taqdimu qawli Abu Bakr wa Umar radi allahu anhum ala qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa ينزل بسببه حجارة من السماء فكيف بمن يقدم مذهب فلان وعلان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خالفت مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف موقف المعادي ولا يريدها. نسأل الله العافية ويخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. Le cheikh a dit que si jamais le fait de faire passer la parole d'Abu Bakr et Omar, ça c'est dangereux au point où c'est possible que les pierres descendent du ciel pour châtier, qu'en est-il de ceux qui vont passer la parole de certains savants autres que eux, ils font passer ça devant le Coran et la Sunna, quand c'est contradictoire, avec leur madhab ou le madhab de leur cheikh, comme pour beaucoup de personnes parmi les gens, les fanatiques des madhab, ils disent voilà, le madhab c'est ça. Ils font passer ça devant le Coran et la Sunna. Le cheikh a dit que quand ça contredit son madhab, quand le Coran et la Sunna ça contredit son madhab, il devient comme un ennemi du Coran et de la Sunna et il ne veut pas ni du Coran ni de la Sunna. Le cheikh a dit, nasallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah qu'il nous préserve. Et ça, c'est possible que ces personnes-là, ils rentrent dans ce qu'Allah a dit, ils doutent là, alayhim, ayatuna bayinatin, ta'arufu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur le visage de ceux qui ont mécru. Pourquoi? Parce qu'ils détestent les versets d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est très dangereux comme a dit le cheikh. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand on leur cite les versets et les hadiths de la sunna, quand on dit en madhab, ça, ils détestent ça et ils éprouvent de la réprobation par rapport à ça. Et on voit ça sur leur visage. نعم لا يهاد ناقد خطره شديد وهو خفي في الضمائر والنفوس فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقد لئلا يكون فيه شيء منه أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما مخالفته لشهوة نفسه أو مخالفته مذهبه أو مخالفة حزبه أو إمامه فهذا أنا خطر عظيم. Non, il a dit que cet anonymatif-là, c'est très dangereux et c'est caché dans les cœurs. C'est caché dans les cœurs et dans les âmes. Donc, le musulman doit faire très attention de vérifier son âme pour pas que il soit tombé dans cet anonymatif-là sans le savoir ou qu'il y ait une chose parmi cet anonymatif-là en lui ou qu'il déteste une chose parmi ce qui était rapporté du prophète Mohammed sallam, soit parce que ça contredit ses passions, soit parce que ça contredit son madhab, ou ça contredit son groupe, son secte, ou sa secte, ou son imam. Donc ça, c'est très très dangereux. De toute façon, il doit faire attention à ne pas détester le Coran ou la Sunna, parce que c'est en contradiction avec ce que lui, il aime de façon générale. Il a dit, « Fatabayyana min hada, annahu yajibu ala al-muslim » أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يقدم عليهما شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات هذا هو مقتضى الإيمان هو مقتضى الإيمان. Il dit qu'ainsi on voit que c'est obligatoire pour le musulman de respecter et d'émanciper le Coran et la Sunna, d'émanciper le Coran, le livre d'Allah Azzawajal, et la Sunna du prophète et ses hadiths, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne rien faire passer devant le Coran et la Sunna, que ce soit des avis, ou des mazahib, ou des envies, ou des passions. Et que ça, c'est ce qui implique la foi, c'est ce qui est impliqué par la foi. C'est une chose qui, la foi, elle implique. C'est une chose que la foi, elle implique. Si la personne dit qu'elle a la foi, ça implique qu'il fasse ça. وأن يحب الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب أنزل السنة وأمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن مخالفتهما فالذي يريد النجاة والدار الآخرة عليه يتمسك بالكتاب والسنة حتى ولو خالف ذلك ما يريده Il a dit que et c'est obligatoire aussi c'est obligatoire pour le musulman d'aimer le Coran et la Sunna, d'aimer le Coran et la Sunna, et de détester tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, et que ça, c'est le signe de la foi, c'est un signe de la foi, et c'est aussi un signe du fait qu'il suit le prophète et le Coran, et qu'il prend le prophète comme guide. Ensuite, le Cheikh l'a dit qu'Allah Azzawajal a fait descendre le Coran, il a fait descendre aussi la Sunna, parce que c'est une révélation, comme on a dit. Il nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna. Il nous a interdit de contredire les deux choses, le Coran et la Sunna. Donc, celui qui veut être sauvé, qui veut ce qui est dans l'au-delà, eh bien, il doit s'attacher au Coran et la Sunna. Il doit s'attacher au Coran et la Sunna, même si ça contredit ce qu'il veut ou ce qu'il aime en général, ou ça contredit ses passion. Il fait une anarchie hamida. Pourquoi? Parce que la fin elle sera bonne, elle sera heureuse. La conséquence elle sera bonne. Non. فالله عز وجل وجل وعلا حكيم عليم يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل وترغب فيه لكن الله أعلم بالمآل والعواقب. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Il a dit qu'Allah Azza wa Jal, il est Halim Hakim. C'est celui qui a la sagesse infinie et qui a la science infuse. Une science qui est stable, qui n'a pas de limite. Et il t'interdit une chose, même si tu tombes vers cette chose-là et que tu l'aimes, parce que lui, il sait les conséquences et comment ça va finir. Donc si jamais il t'interdit cette chose-là, c'est parce que c'est un bien pour toi. Comme il a dit dans le verset dans le Baqara, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Le combat vous a été prescrit alors que vous le détestez. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. ويكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر كراهة نفسية لا كراهة دينية لأن النفوس تكره الجرح والقتل. نعم. Il a dit qu'il déteste le combat. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans de la peine et de la fatigue et des blessures et le fait que la personne va mourir et des dangers. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est pas un dégoût par rapport à la religion. il déteste pas ça de façon religieuse, il déteste ça de façon naturelle. Pourquoi? Parce que les hommes et les âmes de base détestent tout ce qui est blessure et la mort. La personne de nature, elle déteste les blessures, elle déteste la mort. Donc ça, c'est pas lié avec la religion. C'est possible que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous, il y a un khair dedans. Et c'est possible que vous aimez une chose alors que c'est mal pour vous. Et Allah, c'est lui qui sait, vous ne savez pas. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Yufa al-muslim ya'lamu anna ma hakama Allah bihi aw hakama bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa innahu huwa al-khayr 'ajlan wa ajlan. Law kana yadhhar lahu anna fihi mashaqqatan aw mashaqqatan aw mukhalafatan li hawa nafsihi fa innahu ya'taqid anna al-khayra fima qala Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa la yuqaddim 'alayhi ma shay'a wa la yuqaddim ra'yahu. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Il dit que le musulman, il sait que ceux de quoi le prophète a jugé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est le khayr, c'est ça qui est bien de façon présente, dans le présent et dans le futur, même si de façon apparente ça peut être quelque chose de difficile et que ça peut contredire ça. Ses passions et ce qu'il aime. Mais il doit quand même avoir la conviction que le khair et le bien, c'est dans ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit, et il ne dépasse pas ça. Il ne met rien devant ça. Il ne dépasse pas ce qu'Allah a dit. Et il ne fait rien passer devant ce qu'Allah a dit. Et il ne fait pas non plus passer son opinion devant ce qu'Allah a dit, ce que le messager a dit. Comme Allah a dit dans le verset, « Ya ayyuhal ladina amanu » La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wa taqullaha inna Allaha samiun alim. Ô vous les croyants, ne dévancez pas Allah et son messager. Craignez Allah, certes Allah est audient et omniscient. Il a dit Umar radiallahu anhu, yaqulu ya ayyuha an-nas ittahimu ar-ra'i fi ad-din. Falaw ra'aytani yawm Abi Jandal wa ana aruddu amra Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashtahid wa la a'lu. Al-qissata أو القصة أنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حليبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم شق ذلك على عمر رضي الله عنه وعلى غيره من الصحابة لأنه ظهر لهم أن هذا انتصار للكفار وفيه ذلة أو ذلة للمسلمين فشق عليهم ذلك فكلم عمر أبا بكر فقال له أبو بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بغرزه فتم الصلح وكان خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين وسماه الله فتحا. نعم il a dit que Omar رضي الله عنه Omar ibn Khattab كان الأنجحي il a dit ô vous les gens blâmez votre opinion par rapport à la religion. C'est-à-dire que si jamais, des fois, une chose qui contredit ce qu'on pense, on ne doit pas blâmer la religion, on doit plutôt blâmer son opinion. Ar-ra'i, ce qu'on a pensé, notre opinion. Et si jamais vous m'avez vu, Omar ibn Khattab, il a dit, si jamais vous m'avez vu, Yom Abi Jandal, le jour Abu Jandal, il est venu de Mecca, le jour où il y avait le sulh de Hudaybiyah, en l'an 6, et que je contredisais, je rejetais l'ordre du prophète, et je fais un grand effort, je fais tout mon effort, et je fais beaucoup d'efforts, et je n'arrête pas. Il a dit, c'est-à-dire que Omar al-Khattab, quand les mouchikines ont dit que non, ils ne vont pas faire la Umrah cette année-là, qu'il faut revenir en arrière et revenir l'année prochaine, Omar il a refusé au début et il n'acceptait pas ça. Il faisait beaucoup d'efforts pour pouvoir y aller, et parce que lui, dans son opinion, c'était mieux d'y aller à ce moment-là, alors que non. C'est pour ça qu'il a dit aux gens, « Ittahimu ar-ra'i fi ad-din » de ne pas blâmer la religion, de blâmer votre opinion en vous, ce que vous avez pensé, c'est ça qui était faux, c'est pas ça qui était correct. Le cheikh a dit que ça c'est quand le prophète il a fait un pacte d'alliance avec, ou plutôt une trêve de paix avec les mouchikines, l'an 6 à Hudaybiyah, et ils ont dit qu'ils devaient revenir en arrière, revenir à Médine, et qu'ils n'allaient pas faire la mort cette année-là. Et il viendra faire l'Umrah l'année d'après. Ça, c'était dur pour Omar, Kalal Agri et les autres compagnons, parce que pour eux, ça, c'était une victoire pour les kuffars et une défaite et une honte et un ravissement pour les musulmans. Et ça a été dur pour lui. Et il allait voir Abu Bakr. Au début, il allait voir le prophète. Il a dit, voilà, n'est-ce pas que tu es le prophète? Il a dit, oui. N'est-ce pas que nous sommes des musulmans, que nous sommes sur la vérité? Il a dit, oui. Pourquoi alors, lorsqu'on accepte cela et qu'on se rabaisse devant eux? Le prophète a dit, Ya Omar, Allah, il m'a promis qu'il allait m'aider, donc il faut patienter. Après, il allait voir Abu Bakr, il a dit la même chose. Et Abu Bakr, il a répondu exactement la même chose. Abu Bakr, il a répondu exactement la même chose. Il dit, n'est-ce pas que le prophète, c'est lui, le prophète d'Allah, il a dit oui. N'est-ce pas que nous sommes des musulmans, nous sommes sur la vérité et eux sur le faux? Il a dit oui. Et n'est-ce pas que nous sommes sur la vérité? Il a dit non. Il a dit pourquoi alors on se rabaisse devant eux et on accepte cette défaite? Abu Bakr lui a dit pareil. Il a dit Hada Rasulullah, famsik bi gharzihi. Et ça, c'est le prophète d'Allah, le messager d'Allah. Donc, attache-toi à lui et patiente. Et Allah, il a promis qu'il allait aider, il va l'aider. Après, il est parti et il s'est calmé. Après ça, La trêve a été faite entre les musulmans et les mécréants, et ça a été un bien pour les musulmans. Ça a été un bien pour les musulmans et un avilissement pour les koufars. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi leur pacte, et après ils ont été combattus, et après ils ont y perdu, et là il a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 8. 2 ans après, alors qu'ils avaient fait un pacte qui devait durer 10 ans, ils devaient faire une trêve de 10 ans, une pause de 10 ans sans faire de combat, mais ils n'ont pas tenu 10 ans. Ils ont tenu 2 ans, après ils ont trahi leur pacte, et le prophète les a combattus, et ils ont été vaincus, et ensuite il a eu la victoire sur eux. C'est pour ça qu'Allah a dit ça, il a appelé ça à Azzawajal, Fathan, Inna Fatahna Laka Fathan Mubinan. Inna Fatahna Laka Fathan Mubinan. Non, donc le cheikh a dit, Sammahu Allahu Fathan. Il a dit dans le verset, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Alors que la victoire s'est arrivée 2 ans après, mais comme c'est ça qui a été la cause, eh bien, il a appelé ça comme étant une victoire. Il a dit, Ma'anna Umara, radiallahu anhu, kariha, dalika, liannahu dhanna, anna fi dalika, ghadadatun ala al-muslimin, wa intisaran lil-kuffar. Ghadadatun ala al-muslimin, wa intisaran lil-kuffar. Lakin, ma hakam Allahu, wa ma hakam bihi al-rasulu, sallallahu alayhi wa sallam, هو الخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالواجب أن تقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا ولا تعترض ولا يكون في نفسك حرج من ذلك أما إذا بغضت ذلك فهذه ردة ونسأل الله العافية. نعم لكن عمر لي لا تستي cette chose là Trêve-là, ce pacte-là qu'ils ont fait avec les mécréants, et penser que ça c'était un aïb, un radada, comme les chers, c'est-à-dire une faille et une imperfection et un défaut et une honte un peu pour les musulmans, et que c'était un secours, une victoire pour les mécréants. Mais ce que le prophète l'a jugé, c'était ça qui était le khayr, ça qui était bien. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation. Donc, ce qui est obligatoire pour les musulmans, c'est de faire passer la parole d'Allah azza wa jal, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant toute chose, dans tous les cas, et de ne pas s'opposer, et de ne pas être gêné, de ne pas sentir de gêne dans son cœur, dans son âme par rapport à ça. Mais par contre, si jamais la personne déteste le jugement, qui vient du prophète ou qui vient d'Allah azza wa jal, dans ce cas-là, ça peut être de l'apostasie. On demande à Allah qui nous en préserve. Non. Et là, c'est fini. On va s'arrêter ici, inshallah. Ya Allah wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.